Les naufragés de la Méduse par le docteur Carbanès. Grâce aux relations qui nous ont été conservées, on connaît le drame dans ses moindres détails. Récemment encore, on publiait le journal d'un officier de marine embarqué à bord de la Méduse, et ce journal, si mal écrit fut-il, a néanmoins bénéficié de l'intérêt qu'a toujours provoqué tout ce qui touche à ce navire. Chose étrange, cet officier, qui avait atteint déjà le grade de capitaine de frégate, ne tait pas son étonnement devant la mer qu'il semble voir pour la première fois. Il s'ébobille, a-t-on pu dire, comme un jeune mousse aux manœuvres les plus simples, et ne se doute pas un seul moment de l'impéritie invraisemblable du commandant. Rien de notable ne s'était passé depuis le départ de Rochefort, jusqu'au moment où on venait de doubler les Canaries. On devait, suivant les ordres du ministre, aller reconnaître le Cap Blanc. Non seulement on ne le fit pas, mais on abusa le capitaine en lui persuadant qu'un gros nuage qu'on lui montra à l'horizon était ce cap qu'on supposait avoir dépassé de 10 lieues. Après cette singulière reconnaissance du Cap Blanc, qui eut lieu le 2 juillet 1816 au matin, on devait gouverner à l'ouest pour se conformer aux instructions ministérielles. C'est la route du sud que l'on prit. Cette route, qui devait causer la perte de la frégate, fut prise à sureton sur les conseils d'un ex-officier auxiliaire qui ne faisait pas partie de l'état-major. À 2 heures de l'après-midi, on voulait sonder. Le capitaine s'y opposa. À 2h30, on pratiqua l'opération malgré ses ordres, mais il était trop tard. Le navire portait directement au travers de la baie d'Arguin, où il échouait. Dès lors, tout va se passer dans un désordre inconcevable. Le navire avait touché à 3h15 par un temps superbe. On employa près de 3 heures pour mettre les embarcations à la mer et construire un radeau de fortune. Mais ici, passons la parole à un des survivants du naufrage, un chirurgien, qui racontait la tragique odyssée de ce périlleux voyage. On voit la nuit venir. Notre frégate se disloque, sa quille casse, son gouvernail se démonte, un dernier choc nous renverse pêle-mêle. Une révolte éclate, suscitée par des militaires qui redoutent de ne pas trouver place dans les embarcations. L'ordre va être rétabli quand, violemment entraîné par le flot, le radeau brise la mare qu'il retenait à la frégate. On lance à sa poursuite les chaloupes qui le ramènent et on rattache la mare à nouveau. Cet incident a calmé les esprits, mais l'eau envahissait le pont, il y en avait déjà 20 pieds dans la cale. À la pointe du jour, il y en avait jusqu'à l'entrepont. On retire à la hâte ce qui reste de biscuits, d'eau douce et de vin, afin de le transporter dans les chaloupes et sur le radeau, qui eut du vin en assez grande quantité et de barriques d'eau-de-vie, mais à peu près point de biscuits. Quand l'instant fut venu d'embarquer, on fit en premier lieu descendre 127 militaires, 21 marins ou passagers et une femme. Le premier à se sauver fut le commandant. Il ne fit qu'un bond de la frégate à la chaloupe qui l'attendait à l'avant. Indigné d'une pareille conduite, un des passagers le coucha en joue. Notre chirurgien eut beaucoup de peine à détourner le coup. Il lui engageait une véritable lutte avec son compagnon, qui était dans un état d'exaltation extraordinaire, mais combien justifié. Le commandant s'était enfui avec quelques privilégiés. Il ne restait plus que 72 personnes à bord de la frégate, mais celle-ci étant devenue bientôt impossible, force fut de chercher un refuge sur le radeau. Beaucoup y avaient déjà pris place et étaient entassés au point de ne plus permettre de nouveaux occupants. Ils essayèrent de défendre l'accès à ces derniers à coups de sabre. Ils n'empêchèrent pas l'invasion de se faire. Bientôt, 150 personnes se trouvèrent sur le radeau. Tellement serrés les uns contre les autres qu'il était impossible de faire un seul pas. Sur l'avant et l'arrière, on avait de l'eau jusqu'à la ceinture. Ce qui se passa ensuite, nous le savons très exactement, grâce à la narration qu'ont laissée de survivants du naufrage, le chirurgien Savigny et l'ingénieur géographe Alexandre Coréard, qui faisaient partie tous les deux de la fameuse expédition. La première journée, la faim se fit assez vivement sentir, mais n'arracha aucun ni plainte ni murmure. La nuit fut très froide, les habits étaient trempés d'eau de mer. Les malheureux avaient de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Grâce à cela, ils n'éprouvaient pas encore les affres de la soif. La journée suivante se passe sans incident. La seconde nuit, un orage éclate. Les hommes tombent dans une sorte de délire qui les pousse à boire jusqu'à en perdre la raison. Deux pièces de vin avaient été consommées la veille, il n'en restait plus qu'une. Il fallut se mettre à la demi-ration. Les soldats se plaignirent et accusèrent leurs compagnons d'infortune des privations qu'ils supportaient cependant comme eux. Tous tombaient de lassitude, mais le courage ne les abandonnait pas. Il fut décidé qu'on emploierait tous les moyens possibles pour se procurer des poissons. En conséquence, toutes les aiguillettes des militaires furent recueillies. On en fit de petits hameçons. Une baïonnette fut recourbée pour prendre des requins. Peine inutile, les courants traînaient les hameçons sous les radeaux où ils s'engageaient. Un requin vint mordre à la baïonnette et la redressa. Il fallait recourir à d'autres moyens de s'alimenter. Notre plume se refuse à écrire lesquels furent employés. Seuls ceux qui ont vécu de pareilles heures peuvent nous en dire toute l'horreur. Quelques infortunés, tourmentés par une faim extrême et exaltés par l'affreuse position dans laquelle ils se trouvaient, osèrent arracher quelques lambeaux aux cadavres dont était couvert le radeau et les dévorèrent à l'instant même. La première nuit, 12 avaient péri, le jour suivant, 63 victimes s'ajoutèrent aux premières. Les officiers et plusieurs passagers n'avaient pas touché à l'horrible mets. Mais les autres, croyant que cette singulière nourriture relevait les forces de ceux qui l'avaient employée, proposèrent de la faire sécher pour la rendre un peu plus supportable au goût. Ceux qui eurent la force de s'abstenir prirent plus de vin. Cependant, le besoin de boire n'était pas très impérieux, à cause de l'absorption provoquée par l'immersion des membres inférieurs dans l'eau. Mais l'eau de la mer avait tellement macéré l'épiderme des jambes et des cuisses qu'il était presque soulevé. La peau était d'un rouge semblable à celui qui survient à la suite de l'application d'un vésicatoire. La faim se faisait de plus en plus cruellement sentir. Il ne restait au naufragé qu'une ressource, manger les baudriers de sabre et de giberne. D'autres mangèrent du linge et des cuirs de chapeau, sur lesquels il y avait un peu de graisse, ou plutôt de crasse. Un matelot essaya de porter des excréments jusqu'à sa bouche, mais il ne put les y introduire. Le quatrième jour, 12 passagers sont trouvés sans vie sur le radeau. On les précipita dans la mer, à l'exception d'un seul, destiné à nourrir ceux qui la veille avaient serré ses tremblantes mains. Le soir, vers les 4 heures, un événement heureux se produit, qui rassérène ceux qui commençaient à désespérer. On réussit à capturer près de 200 poissons volants, que l'on ne fut pas loin à dévorer. À mesure qu'on les attrapait, on leur ouvrait le ventre pour en retirer la laitance, qui parut à tous ces affamés un aliment délicieux. Grâce à de la poudre à canon, un briquet, des pierres à fusil et de la madou, qui furent découverts fort à propos, on put faire cuire les poissons auxquels on dut ajouter, vu leur nombre insuffisant, une portion de ces viandes sacrilèges, que la cuisson rendit moins révoltante. La nuit suivante, un nouveau combat s'engage entre les survivants. Au jour, il n'était plus que 30 sur le radeau, dont 20 au plus étaient capables de se tenir debout et de marcher. Il n'y avait plus de vin que pour 4 jours, et il reste à peine une douzaine de poissons. Dans le courant de la journée, 2 militaires s'étaient glissés derrière l'unique barrique de vin qui resta. Ils l'avaient percée et buvaient avec un chalumeau. Il avait été décidé que quiconque serait surpris dans cette position serait puni de mort. Ce châtiment fut appliqué aux coupables, qui furent sans miséricorde plongés dans les flots. Il ne restait plus que 28. Sur ce nombre, 15 seulement paraissaient capables de vivre quelques jours encore. Les autres, couverts de larges plaies, avaient presque entièrement perdu la raison. Cependant, ils participaient aux distributions et pouvaient, avant leur mort, consommer de 30 à 40 bouteilles de vin. On délibéra, et le résultat de la délibération fut qu'on devait les précipiter à la mer. Ce moyen procurait aux survivants 6 jours de vin à 2 quarts par jour. 3 matelots et 1 soldat se chargèrent de cette cruelle exécution. Ce sacrifice, quelque pénible fût-il, sauvait les 15 qui restaient. La portion de vin allouée à chacun étant insignifiante, les infortunés durent avoir recours à d'autres moyens. Quelques-uns trouvèrent des morceaux d'étain qui, mis dans leur bouche, y entretinrent une sorte de fraîcheur. On avait aussi trouvé 2 fioles contenant une liqueur dentifrice. Cette teinture, qui était une solution alcoolique de gaillac, de cannelle, de girofle et autres substances aromatiques, fit disparaître pour quelques instants la soif qui dévorait ces malheureux. L'un d'eux avait conservé un flacon vide qui avait contenu de l'essence de rose. Dès qu'on pouvait le saisir, on le portait sous le nez afin de respirer l'odeur qui s'en exhalait. Plusieurs, pour économiser le vin qui leur restait, le pompaient dans le gobelet avec un chalumeau. L'odeur seule de la précieuse boisson leur était extrêmement agréable. 3 jours se passèrent dans des angoisses inexprimables. Les naufragés en étaient arrivés à ne plus avoir conscience des dangers où ils pouvaient courir. Leur sort était d'avance fixé. Ils ne faisaient rien pour les éviter. C'est ainsi qu'ils se baignaient à la vue des requins qui entouraient le radeau, au risque d'être dévorés par eux. Croirait-on qu'au milieu de ces horribles scènes, certains avaient encore le courage de plaisanter? L'un d'eux s'écrie un jour, « Si le brick est envoyé à notre recherche, prions Dieu qu'il ait pour nous des yeux d'Argus », faisant allusion au nom du navire qu'ils présumaient devoir leur porter secours. Enfin, le brick tant attendu est entrevu dans la brume, mais il est encore à une grande distance. On ne distingue que l'extrémité des mâts. On se met à dresser des cercles de barriques, au sommet desquels sont fixés des mouchoirs de différentes couleurs. Un homme grimpe au haut du mât et agite ses petits pavillons. Durant une demi-heure, les naufragés flottent entre l'espoir et la crainte. Les uns croyaient voir grossir le navire, les autres assuraient que s'aborder le portait au large. Ces derniers seuls voyaient juste. Du délire, de la joie, les infortunés passèrent en un moment à celui de l'abattement et de la douleur. Celle-ci fut heureusement de courte durée. Il n'y avait plus de doute cette fois. Le brick n'était plus qu'à une demi-lieue, toute voile dehors et marchant à vive allure. C'était le salut. On mit une embarcation à la mer. Un officier, plein d'humanité et de zèle, prit lui-même les plus malades pour les transporter dans son canot. En peu de temps, tous les survivants de la catastrophe furent à bord de l'Argus. Il n'en restait plus que 15. Presque nus, le corps et la figure flétris de coups de soleil, 10 des 15 pouvaient à peine se mouvoir. Une profonde altération était peinte sur leurs traits. Leurs yeux caves et farouches, leurs longues barbes, leur donnaient un air presque hideux. Ils n'étaient plus qu'au l'ombre d'eux-mêmes. Grâce aux soins dont ils furent entourés, la plupart revinrent peu à peu à la vie et reprirent des forces. Mais quelques-uns furent encore frappés de délire. Un officier ne voulait-il pas se jeter à la mer pour aller chercher son portefeuille? Et il eût exécuté ce dessein, si on ne l'eût retenu. 6 ne purent survivre aux fatigues et aux souffrances inouïes qu'ils avaient endurées. Ceux qui eurent la chance d'échapper à la mort étaient couverts de cicatrices ou présentaient de l'affaiblissement mental qui persista quelque temps. Détail touchant, lorsqu'ils furent recueillis, le chirurgien Savigny n'avait pour tout vêtement qu'un ruban vert enroulé autour de son poignet que sa fiancée lui avait donné avant son embarquement. La fiancée, devenue Madame Savigny, manifesta dans son testament son désir d'être inhumée avec ce pieux souvenir. C'est grâce aux indications qui lui furent données par le docteur Savigny que Géricault, qui n'était guère alors âgé que de 24 ou 25 ans, composa son célèbre tableau « Le naufrage de la Méduse ». Ce tableau, dont le principal groupe se compose du chirurgien Savigny, placé au pied du mât, de l'ingénieur Coréard, dont le bras étendu vers l'horizon signalait l'Argus, ce tableau ne parut pas d'abord sous le titre qu'il prendra plus tard. Pour être reçu au salon, le peintre avait même dû s'éloigner d'abord de l'exactitude des costumes qui n'auraient plus permis de doute sur son identification. Docteur Cabanès.